MO, alias discret. Message souterrain, partie 1. Rien à foutre. Je crois que c'est plus pareil depuis que la monnaie a changé. Les membres dans le système scolaire veulent pas se ranger. Depuis l'argent facile est devenu une mode dans nos cités. Depuis le flingue est la solution pour se faire respecter. Depuis les jeunes filles ont des mains mais sachant pas s'en occuper. Génération perdue dans un monde où faut être furieux. Même entre frères y'a trop de fils, je sais plus à qui te confier. La rue reste la même, n'essaie pas de la changer. L'odeur n'est plus ce qu'il est car certains l'ont délaissé. Obligé de fournir le produit pour être d'actualité. Car cette époque soit tu baisses soit tu te fais baiser. Méfie-toi de mon rap car vers l'heure de ton décès, en discret. C'est pourquoi j'ai pas lâché. Ils m'attendent tous au tournant depuis mon premier CD. Ils se permettent de dire que mon groupe a disparu. Espèce de fou, vois-tu pas la balle perdue. Je veux t'entendre mon sang, j'ai dans le bain, ça fait des lustres et je veux ma rançon. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, c'est discret mon pote encore qui fracture l'instru. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, j'ai dans le bain, ça fait des lustres et je veux ma rançon. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, c'est MO mon pote encore qui fracture l'instru. C'est la nuit que les têtes sont mises à prix, que plus personne ne prie, qu'on n'entend plus un cri et que tous les crimes sont gris. Allume le mic, branche le mic, je suis en une seule prise. Petit joue pas avec la rue, fous pas tes doigts dans la prise. Attiré par la maille sale, ils veulent tous des rallies. Postule pour devenir guetteur et pister la police. Résiste, impossible, on est au bord de la crise. Sachant que si tu touches le fond, y'aura des gains pour te hisser. L'état veut te faire glisser, trop de nos petits frères en plonge et j'en ai le poil hérissé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma peau, tu veux la carchériser? Faut censurer les propos de ce facho à l'Elysée. Un, c'est la voix du peuple, le silence est brisé. Un, discret réitère, c'est officialisé. Un, message souterrain, c'est juste que la partie. Un, d'une longue série de meurtres évocales et notre en. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, j'suis dans le bain, ça fait des lustres et je veux ma rançon. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, c'est discret mon pote encore qui fracture l'instru. Rien à foutre. Je veux t'entendre mon sang, j'suis dans le bain, ça fait des lustres et je veux ma rançon. Rien à foutre. Je veux t'entendre notre sang, bonhomme, c'est discret qui fracture l'instru. Yeah. Yeah. Trop ça parle quand je prends le mic, ça joue les putes. C'est quand le temps s'aggrave que les gens cherchent à me voler le titre. Chez nous c'est toujours QB de la street à la salle. Chez nous on te baisse ton cru, ça on apprend que t'as fait la boucave. J'garde mon poste d'MC, c'est pourquoi je me donne toujours à fond. J'encule les trucs comme un athlète dans une course de fond. C'est mon but sinon je le fais pas. Ton monde à son, on cède pas. On baisse pas notre froc, ça a été dit ça depuis le départ. On chante pas pour les moments, n'est pas à l'école des fans. On m'a appris à rester vrai, c'est pourquoi je fous le drame. Et lâche-moi le beat, que je lâche la rime en gramme. Sous les musiques, c'est l'usine qui n'est jamais en panne. Toujours au B, quand on fournit toujours à jeu. Dans nos écrits, rien de sincère, sauf des propos, c'est l'art public t'estime. Se démarquer dans ce merdis pour que les gens remarquent. Tout rafler dans ce rap, c'est mon délire, remarque. If I could take away the pain of the past, if I had another chance, I would do just that. I could get away, just to go right back. Que je prenne la drogue à grosse dose. Tu veux me pousser à bout que je te tire dessus. Que je finisse sous écrou. Tu veux que je sois endetté par l'état. Me trouver dans un sale état. Les gens me voient comme une loque et me comparent à un tox. Tellement j'ai faim demain, tu me verrais braquer le Brinks, mon pote. Ou vendre la beuh en tonne. Yeah. T'aimerais me voir dans un box ou à la morgue. Passer mes jours et mes nuits à me tuer à l'alcool. Faire de ma vie un drame en vendant des grammes. Tu veux me pousser à faire cette chose qui peut me faire regretter. Faire cet acte que ma mère pourrait me guère pardonner. Que la justice elle-même pourrait me condamner. Malgré tous ces années, je suis pas celui que tu croyais. Je suis pas ces jeunes qui risquent leur vie pour de la maille ou pour une femme. Ça m'est passé d'esprit depuis que j'ai su que ça mène aux flammes. Ça m'est passé dès j'ai su que ça pourrissait là. Do just that. I can't.